Agatha Reza, je suis devenue une star. Il faut dire que j'arrive à vous faire rire avec des enquêtes tordues, des assassinats improbables, des affaires biscornues. Mais là, il m'est arrivé pire que la pire des énigmes tordues. Je me suis mariée. Vous croyez que ça va me calmer? Eh bien, la preuve que non, c'est qu'on me soupçonne déjà d'avoir assassiné mon mari. L'enfer de l'amour. La nouvelle enquête déjantée d'Agatha Reza. Mariée, mais toujours complètement Reza. Un livre Albin Michel. Grâce à Steven Bellery, nous avons fêté la musique sur RTL aujourd'hui avec Paul McCartney. Bah, je peux vous dire que ça m'a fait bien plaisir. Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet. Bah, nous n'écoutons pas les mêmes musiques. Ah bon, vous écoutez quoi, vous? Bon, en ce moment, c'est ça. Oh non, pas Los Calchaquis. Ah ben si. Écoutez, si vous n'écoutez pas de la musique péruvienne aujourd'hui, vous comptez en écouter quand? Jamais. Pérou, Pérou, Pérou. On verra ce que ça va donner. Hein. Bah oui. Allez les bleus. Allez les bleus, oui, surtout. Allez, ça marche. Pourquoi vous riez? Parce que cette musique, moi, m'entête. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Vous êtes là-dessus, puis alors, là, il s'est passé un truc dans votre vie sur cette musique que je découvrirai un jour. Vous êtes capable d'aller très loin, mais vous n'irez pas jusque-là. Ceci étant dit, quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de vous dire où ai-je garé ma voiture? Parce que moi, à chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression d'être au parking de Roissy. Il y a un petit côté comme ça, oui. Ne laissez rien d'apparent. Notez l'emplacement de votre véhicule. Allez, faites-moi une belle émission, je vais retrouver mon scooter, moi. Ça marche. Nous avons une spéciale voiture aujourd'hui. Le druide est là, prêt à remplir quelques missions, dont celle-ci, celle de Jean-Jacques. Je vous appelle de la Haute-Vienne. Je suis gérant d'une société de taxi. Un de mes véhicules est en réparation dans un garage depuis début février 2018. On ne me donne aucune date pour récupérer ce véhicule. En attendant, avec un véhicule de moins, je perds des clients tous les jours. Plus nous avançons dans le temps, moins les messages sont compréhensibles. Il me tarde la dernière où je pense que l'on va avoir... Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Alors, vous avez peut-être compris quelque chose, ne vous inquiétez pas, nous vous le rappellerons. Voyons si nous avons plus de chance avec le deuxième. L'administration me réclame plus de 11 000 euros pour 220 amendes majorées suite à des infractions. Le problème, c'est que ces infractions ont été commises bien après la vente de mon véhicule à un particulier. Et nous avons pour régler ces problèmes, bien sûr, notre ami l'avocat Maître de Caumont, spécialisé PV Radar, le meilleur en France. Bonjour. Bonjour Julien. Maître Fellonneau. Bonjour Julien. Bernard Sabat, Hervé Pouchol, double négociation. Bonjour Julien. Céline est avec nous. Bonjour à tous. C'est le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Bonjour. Bien sûr, si vous avez un problème, voiture, PV, radar, moteur, achat, vente, tout ce que vous voulez, vous faites le 3210 ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Voiture, alerte ou patrage, peut-être victime d'une arnaque, j'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Et voici Jean-Jacques sur l'antenne d'RTL. Jean-Jacques, soyez le bienvenu, vous nous appelez d'où? Bien bonjour, je vous appelle depuis la Haute-Vienne. D'accord, alors Jean-Jacques, essayez de parler bien fort parce que la ligne n'est pas très bonne et nous allons quand même essayer de comprendre ce que vous nous dites. Allez-y. C'est pour ça que le message a peut-être été mal enregistré. C'est pour ça aussi, donc, je pense. Donc je vous appelle parce que j'ai donc l'un de mes véhicules qui a été accidenté. C'est un véhicule taxi et cet accident a eu lieu donc début février 2018. Le véhicule a été transporté dans la concession où j'ai acheté ce véhicule et à ce jour, il n'est toujours pas réparé et je ne connais pas quelle date il sera réparé et on ne me donne aucune info pour l'instant. Donc quand vous appelez, j'aimerais bien savoir quel genre d'argument on vous donne. Ah bien, les arguments, c'est que vous comprenez, c'est un accident et la réparation est très importante. Vous avez eu un gros choc. Donc après, on me dit, bien, donc il n'est pas chez nous, dans la carrosserie, il n'est pas à la concession, on est obligé de prendre un intervenant extérieur. Donc ça nous prend du temps, le mécanicien est obligé de se déplacer à la concession pendant qu'il va là-bas. S'il va chez le carrossier, il n'est plus à la concession, je ne dispose pas du mécano pour faire ce que j'ai à faire. Il y a une question aussi, oui, que j'aimerais poser, si vous me le permettez, à Maître de Caumont, qui est intéressante. C'est justement, Maître de Caumont, je dépose ma voiture chez un mécano et il traîne. Mais il a commencé le travail. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre parce que j'ai besoin de ma voiture. Ça fait 2 mois qu'il l'a. Donc je lui dis, rendez-la-moi. Mais lui va me dire, mais attendez monsieur, moi je peux pas vous la rendre, j'ai déjà fait ça, ça, donc il va falloir me payer ça, ou alors vous attendez que j'ai tout fini. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ben, ça se passe mal, c'est-à-dire que en fait, vous, votre préoccupation, c'est de sortir d'une situation sans y perdre trop de temps, et en face, vous avez effectivement une voiture démontée, un garagiste qui est très remonté, lui, et qui ne veut pas vous la rendre sans la remonter également. Ou alors, c'est du De Vos ce matin. Oui, la voiture est démontée, le garagiste est remonté. Ça, je reconnais que là, on atteint des sommets. Bravo, vous êtes très en forme, j'apprécie, sachez-le. C'est les derniers soubresauts avant la fin, mais bon. Donc, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que vous pouvez effectivement à tout moment lui dire « Bon, on arrête là, je reprends ma voiture. » Sauf qu'il est en droit, effectivement, de vous facturer ce qu'il a déjà effectué comme travaux, voire le remontage de la voiture, sauf si vous êtes prête à la prendre avec les pièces détachées sur la banquette arrière et sur un plateau parce qu'elle ne roule pas. Nous allons appeler ce monsieur. Peut-on le faire tout de suite, s'il vous plaît? Allez-y, on appelle maintenant pour Jean-Jacques. Voyons pourquoi il n'arrive pas à réparer sa voiture. Il en a besoin. Il est taxi, je vous le rappelle. Donc un taxi qui n'a pas sa voiture, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est assez compliqué. Donc pour l'instant, il continue à prendre les gens sur son dos. Il les emmène en courant, mais il est fatigué. Car il y a certains trajets qui font 20 à 25 km. Et quand il arrive, il est en âge. Surtout quand l'autre lui dit « Attendez-moi là, on repart dans 5 minutes. » Non, non, non, non, non, non. Là, je revois. Je prends ma pause. Vous avez une voiture de remplacement, Jean-Jacques ? Et non, puisque les contrats d'assurance ne prévoient pas de véhicules de remplacement, parce que ce sont des véhicules qui ont des équipements spéciaux. D'accord. Est-ce que l'on a répondu là-bas? Allô ? Allô ? Non, on n'a pas répondu. Bonjour et bienvenue. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça peut être un petit peu long, vous connaissez le métier, Hervé Pouchol, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous allez récupérer cet appel. Oui. Et nous allons expliquer aux auditeurs ce qui va se passer. Dès que quelqu'un, vous allez passer le premier barrage tout seul comme un grand. D'accord. L'assistante qui va vous envoyer vers le chef d'atelier que vous allez demander. Là, vous l'aurez, le chef d'atelier. Oui. Nous, pendant ce temps-là, on aura avancé, on entendra ça. Ça veut dire, j'ai quelqu'un. D'accord. Vous venez me le dire, je prends la décision et nous mettons tout le monde sur l'antenne. Ah bah ça marche. Écoutez, ça me paraît très clair. Un peu de musique péruvienne pour souhaiter bonne chance aux Bleus. N'oubliez pas que les journalistes d'RTL sont les meilleurs para comentar las matchas del fútbol. Donc ce soir, gros dispositivo. Et bien sûr, il y aura le pronostic d'Alain Hazard. D'ailleurs, très rapidement, un pronostic par jour. Revenons sur ce qu'il nous a dit hier. C'était concernant quel match, s'il vous plaît, hier c'était soir? C'était l'Espagne contre l'Iran. Et non, dites pas plus. Non, dites pas plus, s'il vous plaît. Hier, Espagne-Iran, voilà ce qu'il nous a dit. L'Espagne va gagner 1-0 contre l'Iran ce soir. Et hier, l'Espagne a battu l'Iran 1-0. Donc bravo, nous sommes obligés de bravo, nous accueillir. Ouais. Julien, voilà. Vous voyez, 25 ans de journalisme, ça sert à quelque chose. Mais j'ai un petit remords parce que j'ai un petit peu soudoyé Xavier Kasovic. C'était pas vraiment ce que j'ai dit hier. Et c'était plutôt... Vous avez fait un faux enregistrement? Non, écoutez, c'est pas vrai. Écoutez, Julien. Je me suis fait avoir comme bleu. Alors voilà ce qu'il a vraiment dit hier. L'Espagne va gagner 2-0 contre l'Iran ce soir. Bien joué, je me suis fait avoir. Pas loin, pas loin. C'est terrible ce qu'ils viennent faire parce que du coup, on se met à douter de tout. Quand on regarde la télé, les infos, on se dit, est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité? Est-ce que du côté du garage, on a répondu, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Non, toujours pas. Hervé Pouchol, d'origine péruvienne, on peut le dire. C'est son arrière-arrière-grand-père Puyol. S'appelait Puyol et jouait et fabriqué dans l'entreprise familiale de la flûte de Pan. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15 euros de réduction immédiate ou 40 euros pour 4 pneus. Voir modalités dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et un prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Pour Eovi MCD Mutuel, je ne suis pas un senior, je suis Didier. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. C'est le moment que j'ai choisi pour partir m'installer dans ma maison de campagne. C'est pour cela que Didier a choisi EOVMC des Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui offre le choix entre 20 niveaux de garantie et lui fait bénéficier d'un réseau de 230 agences partout en France. EOVMC des Mutuelles, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVMC des Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eov-mcd.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes sur le cas, rappelons-le, de Jean-Jacques, Céline. Oui, alors Jean-Jacques est gérant d'une société de taxi. En février, il a fait réparer une de ses voitures dans un garage et depuis, pas de nouvelles. Est-ce que nous avons, puisque nous avons appelé le garage il y a quelques instants, Hervé Pouchol, du nouveau? J'ai une secrétaire qui vient de me passer une personne qui va me passer Monsieur Pastorelli, qui est le chef d'atelier. Nickel. Je suis sur le point de l'avoir. Hein. Alors, écoutez, on va avancer. Dès que vous l'avez, on va essayer de savoir ce qui se passe. Objectif que l'on répare son véhicule dans Monsieur les règles Pastorelli, de l'art. Ah, il est en ligne. Ne quittez pas. But à Guingamp. Ça y est, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Monsieur Pastorelli. Oui. Monsieur Pastorelli, bonjour. Je me présente. Je suis Julien Courbet. C'est la radio RTL. Je suis en direct. Rien de grave, Monsieur Pastorelli. Rassurez-vous, je suis avec. Je suis Sans Girotteau, le directeur de la concession, Monsieur Pastorelli. Est en ligne, ah, je me suis permis de prendre. Enchanté, mais vous avez monsieur. Bien fait, monsieur. Merci beaucoup de votre gentillesse. Voilà, on a un Jean-Jacques Barraud qui est un de vos clients, content de l'être, et un de nos auditeurs de Transport Taxi Barraud qui nous dit on n'arrive pas à me réparer ma voiture et je suis taxi, c'est un peu la cata pour moi. Alors on voulait savoir qu'est-ce qui se passe exactement sur ce taxi. Alors nous sommes confrontés à une problématique de sous-traitance. Le véhicule a été missionné chez le concessionnaire, donc BMW Limoges, pour le groupe que je représente, à une date. Donc nous l'avons expertisé, l'expert est venu, nous avons missionné un transporteur pour amener le véhicule chez un carrossier extérieur. Nous ne sommes pas carrossiers. D'accord. Et le véhicule est chez le carrossier depuis la date laquelle qui correspond au bon de transport que le service juridique a, puisque effectivement, au-delà de se protéger, il faut dire la vérité, et le véhicule est bloqué en carrosserie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez appelé, ce carrossier? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, bien sûr qu'on a appelé le carrossier. Ben, je pense. Ça ne date pas de son urgence. Bon, alors écoutez. Alors que le véhicule est un véhicule professionnel. Bien sûr. Donc c'est très embêtant. Parce que nous sommes en porte-à-faux, nous avons un client BMW et derrière nous avons un prestataire qui. Et vous travaillez beaucoup avec lui? Maintenant non, parce que notre groupe a racheté la concession Ford. D'accord. De Limoges et donc nous avons un service carrosserie en interne. Donc effectivement c'est. Bon. J'essaie de l'appeler pour essayer d'avancer. Merci de votre gentillesse, monsieur. Merci, je comprends mieux et je vois que vous êtes tributaire vous-même d'un sous-traitant et que c'est compliqué pour vous. Bonjour. Oui, bonjour, la carrosserie Bellevue. Ah, écoutez, ça a raccroché. Non, pas... Allô, on a fait surtout un mauvais numéro. Alors oui, j'avais fait avec ça, excusez-moi. Vous voyez, je donne la preuve à tout le monde que nous pouvons être d'une extrême mauvaise foi. Non, mais c'est-à-dire que je demande une carrossière, il y a quelqu'un qui me dit « cabinet d'assurance, bonjour », et là, je dis « comment est-ce que ça ?» Ça me dit « ça a raccroché ». Non, c'est le garage qui a raccroché également. Ah, le garage avec qui nous étions. Alors, et la carrosserie. On va les rappeler. Là, je pense qu'il y a une petite erreur de manipulation. Et là, on appelle la carrosserie, s'il vous plaît. On y va. C'est parti. Donc, la carrosserie, pourquoi ne va-t-elle pas assez vite? Ce qui est dingue, c'est que, mais ça, on en parlera, Maître de Caumont, qu'on n'arrive pas à faire des plannings. Quand une voiture arrive, normalement, alors c'est vrai qu'après, il peut y avoir un petit délai pour trouver la panne, mais voilà. Madame, je m'y mettrai jeudi, ce qui veut dire que mardi prochain, elle devrait être... Mais là, on encaisse les voitures, on les met les unes derrière les autres. Allô les... Oui, la carrosserie. Allô Bellevue. Oui. Bonjour madame. Bonjour. C'est Julien Courbet, la radio RTL, nous sommes en direct. Madame, je vous appelle car je viens d'avoir un client, c'est Paro Premium Limoges qui vous a confié une voiture et son client à lui, Monsieur Barraud, qui est taxi, attend désespérément de récupérer cette voiture. Et Paro D'accord. Premium Limoges me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais le carrossier la traîne beaucoup. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, madame? Alors, je me permets de vous arrêter, je ne suis que secrétaire, je vais vous donner les coordonnées directes de mon responsable. Avec plaisir, je les prends en antenne. Merci madame, je vous souhaite une belle journée. Merci, on récupère, et donc, c'est bien, on est d'accord avec ça, vous qui êtes un grand spécialiste des voitures, Maître de Caumont, c'est que souvent, c'est des petits problèmes de planning. Bah, le problème... Vous êtes réveillé peut-être. Non, ça va très bien, je me remets de mes émotions du démontage et du remontage. Ah oui, tout à fait. J'en ai pour quelques heures. Et en l'occurrence, ce qui se passe souvent dans ce genre de situation, c'est la sous-traitance. Parce qu'effectivement... Le plus organisé des concessionnaires ou des garages qui a éventuellement planifié très correctement l'intervention et la date de restitution peut se trouver, en tout cas c'est ce qu'il est en train de nous dire, complètement désorganisé parce qu'il a prévu que la voiture ira en carrosserie pendant une semaine et en fin de compte, la voiture, elle n'avance pas en carrosserie et là, il est un petit peu démuni comme notre ami Monsieur Barraud. C'est ça le vrai problème. Avançons s'il vous plaît, avançons. Nous devons bien sûr traiter un deuxième cas voiture, Céline. Il s'agira de quoi? Il s'agira du cas de Priscilla qui a vendu une voiture à un particulier. Jusque-là, tout va bien. Ça, c'était en 2013, mais les soucis, c'est qu'il y a 2 semaines, elle a reçu un courrier de l'administration qui lui réclame 11 313 euros pour des infractions commises avec ce véhicule. Ça se passera après France Gall. Revenons sur le cas du garage. Nous rappelons, Maître Fellonneau, qu'un client attend désespérément sa voiture. Oui, c'est un chauffeur de taxi privé de son outil de travail. Il a eu un accident début février 2018 et n'a toujours pas récupéré son véhicule. Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé ? Eh bien, écoutez, je suis avec le carrossier qui est en ligne. Le problème, il est en voiture et il cherche une sortie, justement, pour pouvoir se garer parler. C'est très prudent, super. On attend qu'il arrive. Donc, on marque une petite pause. Je récapitule. Du côté du concessionnaire, on l'a récupéré. Ce monsieur, il y a eu une erreur ? Le concessionnaire, non, on n'a pas réussi à la récupérer pour l'instant. Vous aviez une question à poser, Maître Fellonneau, très rapidement s'il vous plaît, à Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques, moi j'avais compris, lorsque nous avons préparé le dossier, que le carrossier attendait, lui, l'intervention du mécanicien pour pouvoir vous restituer le véhicule. Donc, qu'est-ce que c'est cette partie ping-pong? C'est la déclaration qu'il nous a fait lorsque nous avons été le voir, puisque nous sommes déplacés à la carrosserie, et lui nous dit, moi j'attends que les mécanos de la concession viennent pour démonter ou faire les opérations qu'ils leur sont dues. Alors il faut rappeler, s'il vous plaît, hors antenne, Bernard peut-être se mettre là-dessus, le concessionnaire, pour savoir si effectivement la version du carrossier serait que quelqu'un de chez BM devrait aller là-bas parce qu'il ne veut pas y toucher lui-même. Ce qui ne serait pas complètement idiot puisque maintenant il y a beaucoup d'électronique et on évite d'y toucher un petit peu. Ah, il est en ligne ? Je vais vous passer Monsieur Cadès. Alors, j'ai le temps de le prendre, une petite pause. Monsieur, j'en ai pour une seconde, c'est Julien Courbet, c'est super sympa de vous être garé, je fais une minute de pub. Ah non, mais je ne me suis pas garé. Ah, mais je suis bloqué à toi, donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air de prendre garé. Bon, alors, juste en deux mots, pourquoi la voiture, elle n'est pas... Elle c'est compliqué de la réparer ? Ben non, c'est pas compliqué de la réparer. Non, absolument pas. Mais apparemment, vous l'avez depuis combien de temps ? Je sais pas, j'ai pas les documents, je suis en voiture. Alors on vous rappelle quand vous êtes arrivé, alors monsieur. Je vous rappelle demain, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. problème. Vous m'appelez, j'essaie de me stationner dans un quart d'heure. Essayez si vous pouvez, ça serait super. Merci monsieur. Dès que vous êtes stationné, vous nous rappelez, je vous donne un numéro, c'est adorable. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, et puis ça serait bien peut-être effectivement de réavoir la concession. Un nouveau cas va arriver, vous le savez, on en a parlé dans quelques instants, c'est Priscilla qui pensait être tranquille avec son véhicule qu'elle a vendu à un particulier en 2013, et l'administration lui réclame 11 313 euros. Surprise! Car ils arrivent comme ça maintenant, souvent. Ils sonnent avec un avis à paiement et quelqu'un est habillé en arlequin et vous fait surprise! A tout de suite sur RTL. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation de numéro. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Leclerc. Philippe, c'est quoi ce bidon là dans l'entrée ? De l'huile moteur Total Active à 7000 avec 30% de tickets Leclerc et dont ta voiture manquait cruellement. Ah bon ? Ah oui. En plus, c'est un produit partenaire du grand jeu La Ligue des supporters. Deux produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des kits de supporters et des ballons. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le bidon de 5 litres d'huile de moteur Total Active à 7000 diesel ou essence est à 21,50€, soit 4,30€ le litre avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Parce qu'une voiture, ça s'entretient. Envie de rire et de jouer pendant les vacances, ne partez pas sans vos grosses têtes spécialités. Le livre qui va vous détendre tout en faisant travailler vos ménages. Au programme, 125 jeux variés inspirés de votre émission préférée, parsemés d'illustrations hilarantes et de blagues désopilantes. Un livre-jeu à dévorer sans modération, à l'ombre du parasol. Disponible dans toutes les bonnes librairies. Aux éditions Michel Lafon, avec RTL. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, à MAM, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et c'est Priscilla qui est avec nous sur l'antenne d'RTL. Bonjour Priscilla. Bonjour. Priscilla, vous nous appelez d'où ? De Seine-et-Marne. C'est parti Priscilla, parlez haut et fort, expliquez aux auditeurs d'RTL le but de votre appel, nous vous écoutons. Très bien, donc j'ai vendu ma voiture en février 2013 à un particulier. J'ai oublié la voiture puisqu'elle était vendue et que tout était normal. Et il y a 15 jours, j'ai reçu 2 commandements de payés pour un total de 11 313 euros qui correspondent à 220 amendes majorées, forfaitaires majorées. D'accord. Aviez-vous pensé à faire tout ce qu'il faut, à savoir envoyer vous-même une lettre recommandée à la préfecture ? Alors, ça n'a pas été envoyé en recommandé, mais ça a été envoyé, tout a été fait. Alors, malheureusement, quand vous dites tout a été fait, vous savez que si vous ne le faites pas en recommandé, il y a quand même une chance que la lettre se perde. Bah, visiblement, sans doute. Ce qui est le cas. Néanmoins, vous avez peut-être appelé celui qui vous a acheté la voiture en disant « Avez-vous bien fait tout ce qu'il fallait de votre côté pour dire que dorénavant, cette voiture est à vous ?» Alors, je l'ai fait, c'est la police qui l'a fait pour moi, puisque j'ai été paniquée quand j'ai reçu les commandements de payer. Je me suis rendue 3 fois au commissariat de police et à la gendarmerie, et ils ont essayé de le contacter à chaque fois. Il ne répond pas. Comment se sort-on de ce piège ? Alors, le conseil, on l'a dit, c'est toujours, on va faire une petite règle d'or très rapide, parce que c'est, vous savez, ces ventes de voitures d'occasion, il y en a des milliers par jour qui ne font que poser des problèmes. La règle d'or sur RTL. Règle numéro 1, je raye la carte grise. Bien entendu, Julien. Je remplis les formulaires pour la cession. Je photocopie ou je prends une photo avec mon smartphone du document en question. Je m'assure de l'identité de mon acheteur. et éventuellement si je prends une photo de sa carte d'identité. Et surtout, vous vous assurez que l'administration a reçu la preuve de cette vente, notamment sous la forme du certificat qui doit lui être adressé, soit parce que vous allez la déposer, malheureusement maintenant il n'y a plus de guichet physique dans les préfectures, ça complique les choses, soit parce que vous l'avez envoyé par un moyen quelconque dématérialisé ou par courrier, et le courrier, Julien, ça fait plus de 20 ans que je le répète, il n'y a que deux courriers en matière juridique, le recommandé ou le recommandé. Voilà, c'est clair, net non, et précis. Vrai. Vous ne pouvez plus. Ça n'existe pas. On vous le dit, mais elle ne pouvait pas le savoir. Priscilla, elle le saura maintenant, elle le dira à ses amis. Puisque... Mais si vous ne le faites pas recommander, vous ne pouvez rien prouver. Voilà, vous avez envoyé une lettre, prouvez-le. Je ne peux pas le prouver, c'est compliqué. On appelle immédiatement l'acheteur. Je dis bien l'acheteur parce que, quand même, lui pourrait nous dire ce qui se passe. Il a un garage en plus, donc. Il pourrait diriger un garage. C'est au conditionnel. Oui, c'est ça. Mais bon, comme le nom du garage que nous avons trouvé porte le nom de l'acheteur, il y a quand même quelques indices. Il pourrait nous laisser croire que c'est le cas. Là, je vous propose de passer directement sur son portable personnel. Pourquoi le garage ne répond pas ? Parce qu'on a plus de chances de l'avoir sur son numéro directement. Allez-y. Alors, pour l'instant, ça ne répond pas. Alors, essayez un autre numéro peut-être. Je vais essayer. Je vois qu'il y a trois numéros. Allez, on entend un deuxième. Ne vous inquiétez pas, Priscilla. Après, on appellera la trésorerie de Paris Amende. D'accord. Nous sommes très populaires là-bas. Deuxième numéro ne répond pas. Vous lancez les deux limiers sur cette affaire. Hervé et Bernard, non-stop, vous m'appelez l'acheteur. Pour la trésorerie, on va aussi la lancer maintenant parce qu'il y a des tas et des tas et des tas de barrages. Néanmoins, comment on se sort de ça quand on a la... Maintenant, c'est la deuxième règle d'or pendant qu'on essaie d'avoir les numéros. Il va y avoir une alerte d'une seconde à l'autre. Quand je reçois donc ces recommandés de trésorerie Paris Amende, qu'est-ce que je fais ? Vous tentez précisément parce que vous n'êtes pas assuré de la preuve en or, c'est-à-dire le recommandé AR. Ne coupez pas Gounay. Alors c'est Gounay, vous ne connaissez pas Gounay. Non, pas personnellement. Mais lui, vous connaissez. C'est le gérant du garage. Oui, on y va. C'est parti. Alors passez-le-moi, mettez-le au parleur. Allô Gounay, bonjour, comment ça va ? Et toi ? Super, Gounay, c'est Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL en direct. Gounay, je suis avec Priscilla Mille, à qui vous avez acheté une voiture, la Peugeot 607. En 2013. Et le problème, c'est qu'elle reçoit maintenant les PV que vous avez eu, vous, entre-temps. Une 607 ? Oui, vous avez acheté une 607. Écoutez, je vais vous expliquer tout ça en antenne. C'était une 607. De quelle couleur elle était, Priscilla ? Elle était beige. Je ne sais pas comment on appelle ça, beige. Une 607 beige. 500 euros. Vous l'aviez acheté 500 euros parce qu'elle ne roulait pas. Et depuis que vous l'avez acheté, il y a des PV qui arrivent chez elle. Donc je suppose qu'elle s'est mise à rouler entre-temps. Mais il faut que vous fassiez quelque chose et que vous mettiez la voiture à votre nom assez rapidement. Monsieur Demir. Oui, je me rappelle pas. Alors, on va vous expliquer ça en antenne. Tenez, expliquez bien, monsieur Demir, parce que c'est l'heure des infos. Voilà, c'est bien. Point info rapido, j'ai le temps, très rapidement, sur tout ce qui s'est passé. Maître Fellonneau, j'ai besoin de vous, on y va. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Qu'arrive-t-il à Jean-Jacques ? Jean-Jacques est un chauffeur de taxi qui a eu un accident, qui a confié son véhicule en réparation et depuis, il ne l'a toujours pas récupéré. Nous avons appelé, bien sûr, la concession. Ça a raccroché, mais le concessionnaire nous a dit, c'est le carrossier à qui j'ai sous-traité qui traîne. On est donc le carrossier. Parce que le directeur de la concession est en réunion. Oui. Je suis en train de joindre Monsieur Pastorelli, le chef d'atelier. Super. Dans quelques instants, nous l'aurons en ligne. Et le carrossier ? Et le carrossier, il est toujours sur la route, mais il a le dossier, il va se garer. Et là, la voiture, nous devrions avoir du nouveau dans quelques instants. Ça bouge sur RTL. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un. Pour rester libre de vos mouvements. En ce moment, chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99 euros, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détail de l'étude sur filorga.com. Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Oh, c'est super à la veille des vacances. Ah bah carrément. Le pouvoir de choisir ses produits en promo sur tout le rayon solaire de ton Leclerc, c'est cool. Vendredi 22 juin chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Le super pouvoir d'achat du vendredi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Vendredi, il y a du soleil en promo chez Leclerc. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud Plâtrier? Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons plus de 800 masters grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Je vous traduis. Dès aujourd'hui, le kilo de cerises Origine France est à 3,99€. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à samedi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 26+, catégorie 1. Merci d'avoir choisi l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. Vous êtes sur RTL, votre radio qui vous divertit, qui vous aide et qui vous informe. Il est 10h. La meilleure info, c'est avec vous, Bénédicte Tassard. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Et vous, quel est votre pronostic? France-Pérou à 17h à Ekaterinbourg. Griezmann attendu au tournant. Giroud en attaque. Matuidi chargé d'apporter son expérience. Les paris fusent, même à la tête de l'État. Emmanuel Macron était ce matin au Guilvinec à la Criée pour rencontrer les pêcheurs. Il y a parlé poisson, bien sûr, mais pas que. Ça vous pète un match facile? Je pense 2-0. Moi, je pense qu'ils vont se libérer un peu. Ça aura du mal. Ah non, vous allez voir. On serait devant la télé. Oh, c'est sûr. 2-0 pour Emmanuel Macron ce matin au Guilvinec avec Olivier Bost. Le foot, c'est mieux à la radio, mais Emmanuel Macron vous le dit. Rendez-vous à partir de 16h45 sur RTL et jusqu'à 19h dans le club RTL Mondial 2018. À suivre également à 14h Danemark-Australie et à 20h Argentine-Croatie. Sachez enfin que David Beckham, lui, parie sur une finale Angleterre-Argentine. Les perruques pour les patients et les patientes atteints d'un cancer seront mieux remboursées, affirme ce matin, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, affirme que le reste à charge sera moins important pour ces malades. À Paris, c'est cet après-midi qu'on saura si les Autolib disparaissent de la capitale et de sa banlieue. Les petites voitures électriques en partage de Vincent Bolloré coûtent trop cher. La résiliation de la concession doit être votée. 245 emplois sont menacés. Si les Autolib c'est fini, ce n'est peut-être pas la bonne solution de prendre un 8 bus. Lundi soir, le chauffeur de la liaison Toulouse-Bordeaux a oublié une passagère sur une aire d'autoroute près d'Agen. Alerté par les autres clients, ce conducteur de bus a refusé d'aller la chercher et voulait qu'on mette son sac dans une poubelle. À l'arrivée, cette jeune femme sera bien sûr remboursée sur la direction de 8 bus. À l'étranger, ce qui marque, c'est bien sûr le recul de Donald Trump, déterminé à mettre fin à la séparation des familles de migrants clandestins. Le président des États-Unis a signé le décret, mettant fin donc à ces séparations systématiques. Reste à régler le sort des 2300 enfants qui ont été séparés de leurs parents depuis le début du mois de mai, après leur arrestation à la frontière mexicaine. La Bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,27%. Les courses, les pronostics de Dominique Cordier pour le tiercé. 14, le 6, le 9, le 12, le 11, le 15, le 2 Hélas, voilà, soyons précis. La dernière minute, c'est le 12, Maize and Blue. Le temps pour cet après-midi, le soleil va revenir par le nord-ouest avec une soirée agréable. Du beau soleil, cette fois sur la Méditerranée, et toujours un risque orageux au sud-ouest. Les températures, ça baisse un peu dans le nord. C'est toujours aussi chaud dans le sud. 18 degrés à Lille et Cherbourg, 19 à Brest, 23 degrés à Paris, 26 à Metz, Nantes, Tours et Ajaccio, 28 degrés à Strasbourg avec encore un peu d'orage, 33 degrés à Bordeaux, Lyon, Grenoble et Toulouse, 34 à Perpignan et Nîmes. 10h, bientôt 4 minutes. Bonne journée à tous sur RTL. Julien Courbet, tout à côté de moi. Gracias. Julien Courbet, au Pérou. Vous entraînez. Hierro, ¿qué le pasa a Pogba? ¿Qué pasa a Hernández? ¡Hernández! Lui, on va l'aimer, Hernández, ce soir. Attendez, contre le Pérou, c'est Hernández, il ne fait pas le match. Alors, c'est que j'y comprends rien. A tout à l'heure, on vient. A tout à l'heure. C'est l'émission qui règle les problèmes. Et nous allons faire le point maintenant sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré Maître Fellono par Jean-Jacques. C'est un chauffeur de taxi qui a eu un accident et qui n'arrive pas à récupérer son véhicule réparé depuis tous ces mois. Nous avons appelé la concession qui nous a dit effectivement, il nous a donné sa voiture, mais nous l'avons nous-mêmes donné à un carrossier car il y avait de la carrosserie à faire. Le carrossier, c'est peut-être en ligne, je ne sais pas, Bernard. Alors, le carrossier va être en ligne dans quelques minutes. Il a toujours des difficultés pour trouver une aire de repos, mais il m'a promis de faire un petit point dans 5 minutes. J'ai eu entre-temps le directeur de la concession qui m'a confirmé que le véhicule est chez le carrossier depuis le 21 février et qu'il le relance régulièrement chaque semaine. Moi, je veux bien, mais quand même, attendez. 21 mars, 21 avril, 21 mai, 21 juin. 4 mois pour faire un peu de carrosserie. Oui. Soit la voiture était complètement défoncée, sinon ça fait quand même un petit peu alors, long. Alors, petite nouveauté, Julien, c'est que notre auditeur, lui, a reçu une lettre du siège BMW France, qui a une lettre il y a quelques jours, qui dit « Mais la voiture a été réparée dans les règles de l'art ». Alors franchement, le balade de service en service, franchement, il n'y a que nous qui puissions aujourd'hui de là. Il faudrait demander ça à M. Pastorelli, comment le client peut recevoir une lettre de BMW disant la voiture est nickel alors qu'elle du n'a siège. Pas été réparée. Du BMW siège France. Oui. Bon, je vais appeler le siège France. Alors. D'accord, très bien, merci. De votre... Ne le dites pas comme si on vous avait puni. Vous avez dit, il a fait... Oh, mais pardon, je vais appeler le siège France. Non, c'est pas... J'ai le petit chat dans la gorge. C'est pas un reproche. Le deuxième cas, Nathalie, que nous avons traité, celui de Priscilla. C'est Priscilla à qui on réclame maintenant 11 000 euros pour des amendes majorées pour une voiture qu'elle a vendue en février 2013. Elle ne peut pas régler, elle est dans une situation épouvantable, il faut l'aider aussi. Alors, où en est-on, s'il vous plaît, avec celui qui aurait acheté, M. Gounet-Demir, qui nous a fait l'amitié de nous répondre, Bernard? Avez-vous pu lui parler? Oui, je lui ai parlé, il est à l'antenne, il va vous donner quelques explications. Allez-y, Dounaï. Bonjour, monsieur Demir. Vous m'entendez? Apparemment. Allô? Alors là, on fait ça de manière un peu artisanale parce que c'est. Allô? Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler ce monsieur d'une ligne? Alors essayez de le rappeler d'une ligne. Enlevez le cordon parce que là, en fait, c'est Bernard qui a. Vous m'entendez, monsieur Demir? Vous m'entendez? Allô? Bon, écoutez, ça marche pas cette histoire, donc nous allons essayer de le rappeler d'une ligne fixe. Mais je vous résume ce qu'il m'a dit quand même pendant les informations. En deux mots, il dit, écoutez, je ne savais pas, moi j'ai bien donc reconstruit cette voiture, c'est son vocabulaire, et je vais vérifier à qui je l'ai vendue et qui aurait utilisé, évidemment. Ah, parce que oui, évidemment, il a revendu depuis. Et oui, il faut qu'il retrouve donc de décembre 2014 à 2017, qui aurait utilisé les anciennes plaques de Priscilla. Alors, Demiroto aurait vendu cette voiture, il nous faut retrouver maintenant l'acheteur, il est sur le coup, on essaie de le rappeler dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Et puis nous allons revenir sur des cas que nous avons traités hier et notamment sur un énorme cas où nous avions commencé avec une histoire de pizzaïolo et de four. Rappelez-vous qui avait été abîmé pendant le transport. Nous avions commencé les appels mais nous n'avons pas pu les terminer. Nous allons le faire dans une seconde sur votre radio numéro 1. C'est le 9h30, 11h d'RTL. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer la sécurité de ma maison, pas question d'improviser. J'ai choisi sans hésiter la caméra Welcome de Netatmo pour veiller sur ma famille quand je suis absent. La caméra reconnaît les visages et je reçois seulement les alertes qui m'intéressent. La babysitter qui rentre avec les enfants, un inconnu, ma femme. Non, je la surveille pas. On sait jamais si elle voulait m'organiser une surprise. Comme Alexandre, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Belle matinée sur RTL. à 11h sur RTL. On révise ses classiques dans la bonne heure. Avec Stéphane Bern. Je reçois Michel Drucker pour son album Vivement, le classique, qui compile les plus grands morceaux du répertoire. Autre grand classique dans la bonne heure, les Coquettes seront là pour un titre en live. La France entière attend ce moment. Bref, c'est que du bonheur, c'est à la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. À tout à l'heure, avec Michel Drucker à 11h. Formidable! Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Oh, c'est super à la veille des vacances. Ah bah carrément, le pouvoir de choisir ses produits en promo sur tout le rayon solaire de ton Leclerc, c'est cool. Vendredi 22 juin chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Le super pouvoir d'achat du vendredi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Vendredi, il y a du soleil en promo chez Leclerc. J'aime les plages désertes. Me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nouvelle tentative donc sur ce cas de voiture qui a été vendue comme épave, je pense, en tout cas non roulant. 500 euros au garage Gunet-Demir. Monsieur Demir est en ligne avec nous de nouveau. Monsieur Demir, bonjour. Bonjour. Julien Courbet. Donc, monsieur Demir, j'ai bien compris que vous avez racheté cette voiture, vous l'avez réparée, vous l'avez du coup revendue par la suite. Oui. Mais quand, entre-temps, vous n'avez donc pas fait le changement vous-même ou vous l'aviez fait, le changement de propriété, vous avez fait ce qu'il fallait auprès de la... Oui, allez-y, maître de Caumont. Donc, oui, posez-lui la question. La question qui se pose, bonjour monsieur, c'est de savoir, puisque vous avez acheté ce véhicule, si vous avez fait changer la carte grise dans le délai d'un mois et si vous l'avez mis à votre nom. Non, on a fait une vente directe, j'ai quoi. Voilà, en fait, vous vous êtes squeezé et vous avez fait une vente directe entre la personne à qui vous l'aviez acheté et la personne à qui vous l'avez vendu, ce qui est très surprenant et qui, effectivement, donne l'impression que... En fait, en vrai, je ne me rappelle pas du tout comment je l'ai vendu. J'ai quoi qu'on avait fait un DA. Ouais. C'est pour ça, je vais fouiller tous mes documents, tous mes enregistrements. Ouais. Je vais la retrouver à qui j'ai vendu là, cette voiture. Ouais. Je vais m'en occuper. Et je vais faire nécessaire à mon côté. Sinon, c'est bien sûr, c'est moi la responsable. Je vais assumer. Non, mais il faut juste essayer de retrouver où la personne, ou effectivement, de voir comment elle peut. Je vais retrouver ça, vous inquiétez pas, je vais retrouver. Super. On va régler ça tranquillement. Bon, eh ben c'est très gentil, monsieur Demir. Alors, tranquillement, c'est génial. Pas trop, quand même, parce qu'elle reçoit des PV, donc non, elle est un peu affolée. Hein. C'est-à-dire, je vais me dépêcher. Là, tout de suite, je vais commencer son recherche, tous les documents, tout ça que j'avais. Super. Les papiers vente, tout ça. Je vais régler ce problème assez rapidement. Ok, ça marche. Alors, je vais vous donner les coordonnées de Priscilla. Comme ça, vous pourrez voir avec elle ce qu'il convient de faire. Merci beaucoup, monsieur Demir. Priscilla, vous me tenez au courant. C'est Jean-Baptiste qui s'occupe de vous. Oui. Alors pour l'instant, est-ce qu'il faut quand même appeler la trésorerie ? Ben je pense qu'il faudrait quand même essayer de désamorcer la trésorerie parce que, et c'est tout à fait logique, eux, tant qu'ils n'ont pas de contre-ordre, tant qu'on leur dit qu'effectivement il y a des PV qui s'accumulent et que la carte grise, manifestement, est toujours au nom de Priscilla, eux... J'allais dire qu'ils ont le droit, ils ont même le devoir d'aller jusqu'au bout, bien sûr. Parce que si vous leur dites, ils vont vous répondre. Nous devons continuer les poursuites tant que nous n'avons pas de contre-ordre de la part du parquet. Ça marche. Voilà. JB, qu'avez-vous à rajouter ? Oui, Julien, juste pour dire qu'il y a urgence, puisque Priscilla a déjà eu des sommes qui ont été bloquées sur son compte bancaire. Effectivement. Et alors, 11 000, c'est pas rien. Vous avez commencé à appeler la trésorerie, s'il vous plaît, alors, Céline ? Alors oui, je les ai contactés hors antenne, comme vous me l'aviez demandé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'elle ne veut, la personne que j'ai eue au standard ne veut rien me dire au téléphone. Il faut envoyer un mail. J'ai essayé de négocier avec elle pour avoir un responsable. Mais ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas, c'est pas grave. Si elle ne veut pas, nous allons donc sortir notre carte maîtresse. nous allons appeler, bien sûr, notre ami hors antenne. Alors, Bernard ou Hervé sont déjà en négociation, mais l'un des deux va ensuite appeler notre amie Caroline Bozio du ministère de l'Intérieur pour qu'elle sauve Priscilla d'une... Parce qu'elle va être saisie si ça continue. Ah, mais c'est en cours. C'est déjà fait. C'est bloqué. Il lui laisse sur son compte le minimum vital qui est de 500 et quelques euros, je pense. C'est tout. Mais... Voilà. Donc, elle n'ira pas loin. Priscilla, on s'en occupe. On appelle tout de suite le ministère de l'Intérieur hors antenne. D'accord? D'accord. Restez en ligne, je vous tiens au courant. On attaquera donc ce cas que nous avons démarré hier. Vous pouvez nous rappeler les tenants et les aboutissants de cette histoire de four, s'il vous plaît, Maître Félodeau. Oui, Fabienne a vendu son fonds de commerce de pizza et elle a quand même conservé un distributeur automatique de pizza, figurez-vous, qu'elle a voulu faire transporter par la société qui est chargée de l'entretien et des réparations de cette machine. Au cours du transport, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, elle est arrivée cassée, elle ne marchait plus, elle est repartie direct à l'usine et elle a été obligée de louer un four en attendant. Elle réclame au transporteur de l'indemniser de son préjudice. Nous allons relancer les appels. Nous n'avons pas eu tout le monde hier. Là, je vais passer de la musique, mais je dois taper un courrier auparavant que j'adresse à Séverin qui s'occupe de notre programmation musicale. Cher Séverin, tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Je constate ce jour à 10h14 que tu me reprogrammes le titre de Texas. J'attire ton attention sur le fait que d'après mes décomptes, nous le passons pour la 754e fois et nous l'annonçons toujours comme une nouveauté. Peut-être pourrais-tu convaincre la chanteuse de Texas de sortir rapidement un nouvel album que nous n'ayons pas à passer toujours le même. Ceci étant dit, je te remercie pour ta gentillesse et ton professionnalisme. Voici donc, peut-être pour la dernière fois, un extrait de l'album de Texas qui me suit maintenant depuis 4 ans. Avec toute mon amitié, Julien. Voici donc Texas sur RTL. Nouveauté. Présente plus. C'était Texas à l'instant sur l'antenne d'RTL avec Midnight. Alors, il s'est passé des choses. Écoutez bien, une alerte avec Hervé Pouchol qui a pu avoir sur l'histoire du véhicule taxi, maître Félonneau. Voilà, il a eu un accident. Exactement, il n'arrive pas à récupérer sa voiture réparée depuis tous ces mois. Qui, rappelons-le, est parti chez BM, puisque c'est une BM, qui elle-même l'a donné à un carrossier. Le carrossier a cette voiture apparemment depuis 4 mois. On attend le carrossier, mais vous, Hervé, vous avez pu avoir BMW France. Pourquoi ? Parce que BMW France, figurez-vous, a envoyé un courrier que vous allez nous lire, si vous l'avez under the eye. Ouais. Qui l'a ? Vous l'avez, maître de comment ? Qu'écrit ? Que lit ? Qu'écrit, pardon, maître BMW France. Dans un premier temps, a écrit en disant « on se renseigne » et très rapidement a envoyé un autre courrier dans lequel il y a une phrase qui est assez ambiguë et qui dit « les réparations effectuées sur votre véhicule ont été pratiquées dans les règles de l'art et selon les préconisations du constructeur afin de vous apporter une entière satisfaction dans le temps. » Voilà. Alors c'est ça veut dire que c'est terminé. Alors ça veut dire soit que éventuellement la partie mécanique que devait faire BMW a été parfaitement réalisée. Et il ne parle pas peut-être de la carrosserie, effectivement. Voilà. Soit que, et on peut l'interpréter comme ça, tout est fini, tout va très bien, c'est terminé. Écoutons quand même ce, parce que là c'est du nouveau. Jean-Jacques est en ligne. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Jacques, écoutez bien ce que dit BMW France. Hervé Pouchol. Alors, le service client de BMW France me dit que le véhicule a été bloqué par la préfecture. Il m'a expliqué qu'il y avait 25 000 euros quand même de réparation. C'est une très grosse réparation. Que le véhicule devrait être réparé à la fin du mois de juin. Et qu'une fois que le véhicule sera réparé, il faudra qu'un expert donne son aval pour valider la mise en circulation de ce véhicule. Vous étiez en tort dans cet accident, Jean-Jacques ? Non, pas du tout. Alors, est-ce qu'il ne faut pas qui se tourne vers l'assurance adverse pour se faire payer des indemnités puisqu'il ne peut pas travailler. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Je ne sais pas, mais c'est de la faute du garagiste parce que, quelle que soit la taille de l'accident, on ne met pas 4 mois, il me semble, pour réparer un moteur et surtout de la carrosserie. Non, c'est effectivement tout à fait disproportionné. Maintenant, il y a un indice là qui vient de chanter à mon oreille. Véhicule gravement accidenté. Procédure VGA peut-être. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ? Est-ce qu'on a des preuves de cela ? Parce que là, effectivement, ça peut retarder un petit peu plus encore, puisque dans ce cas-là, le véhicule ne peut pas être remis en circulation tant qu'il n'a pas été vu par un expert agréé qui doit s'assurer que les réparations graves ont été bien effectuées pour des raisons de sécurité. Il nous faut rappeler Paro Premium Limoges. Hein. Il faut avoir de nouveau à l'essayer d'avancer parce qu'il faut qu'il nous sorte de là. Dans quelques instants, j'aurai M. Cadas qui vous parlera qui est le carrossier. On va pouvoir faire un peu. Le carrossier, c'est nickel. On l'aura dans quelques instants. C'était ça l'alerte. Bien, nous nous retrouvons dans une seconde et nous allons revenir donc sur ce four à pizza que nous avons commencé hier en souhaitant une nouvelle fois bonne chance. Au bleu, vous le regarderez quand même le match. Je sais que vous travaillez beaucoup, maître de Caumont. Je le regarderai probablement en replay et je vais l'écouter. Mais vous avez l'écouter tellement à la radio, il vous savez travaille tellement que là en replay, il regarde la Coupe du Monde 2002. Exactement. Il commence à se remettre à jour, mais il a énormément de retard. Non, mais sinon, à défaut de le regarder, je peux écouter sur la radio. Mais c'est ce que je conseille. Connaissez la radio RTL. Ce que je conseille, c'est de mettre l'image si on peut la regarder et de mettre le son de la radio parce qu'on le vit beaucoup mieux à la radio. Oui, Bernard. On peut connaître le pronostic de notre rédacteur en chef très rapidement. Bernard, Alain Hazard, pour l'instant, vous vous rapprochez de la cible, mais vous ne la touchez toujours pas. Quel est le pronostic pour France-Pérou ? France 2, Pérou 1. Ah, le Pérou marque pour vous ? Oui, oui, oui. Et un but de Giroud ? Un but de Giroud, vous m'en demandez beaucoup. Moi, j'ai dit 2-0 et but de Giroud. Je pense que Giroud va marquer avec Griezmann. Donc, deux buts de la France. On va marquer en même temps tous les deux. Non, juste on va mettre le ballon. On va taper en même temps dedans. Tu es prêt ? 1, 2, 3. Oh là là, but de Giroud et Griezmann en même temps. C'est du jamais vu. Juste un peu de tactique, Julien. Les attaquants péruviens sont très rapides et c'est pour ça que Matuidi va jouer à gauche pour bloquer ce côté-là. Et attention aux attaquants péruviens avec le bonnet sur les corners. Et la flûte de pan. Ça peut faire très mal. Et alors attention à pas trop attraper le poncho non plus quand ils vont déborder parce que l'arbitre peut le voir. Ça, à tout de suite sur RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice ? Vous dites tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout ? Oui. Ici, Log Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus. Et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé ? Bien sûr. Nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Oh, c'est super, à la veille des vacances. Ah bah carrément, le pouvoir de choisir ses produits en promo sur tout le rayon solaire de ton Leclerc, c'est cool. Vendredi 22 juin chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Le super pouvoir d'achat du vendredi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Vendredi, il y a du soleil en promo chez Leclerc. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Supermarché Casino. Vos supermarchés Casino vous préparent des offres juteuses. Jusqu'à dimanche, profitez des heures Happy Hours et de 50% de remise en bon d'achat sur le rayon fruits. Casino, goûtez-moi cette journée. Offre 50% valable du 21 au 24 juin de 10h à midi et à partir de 17h. Hors produit en promo, 1 plus 1 gratuit, 2 plus 2 gratuit avec la carte, 50% sur un produit et offre coupon Casino, c'est max. Bon d'achat valable du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet. Hors Corse. Retrouvez la liste des magasins participants sur supercasino.fr. Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Patricia. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, l'occasion de partir en week-end avec mes copines. C'est pour cela que Patricia a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui inclut l'aide aux aidants. Elle a pu être conseillée et accompagnée pour mettre en place un relais de qualité pendant son absence. EOVI MCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur EOVI-MCD.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et une nouvelle alerte, toujours maître Félono sur cette histoire de taxi. Alors, c'est toujours Jean-Jacques qui pleure après son taxi car il ne peut pas travailler. Il l'a confié en février 2018. Il aimerait bien la récupérer. Et il est dans, cette voiture est dans une carrosserie, un sous-traitant de BMW. Et nous avons eu le carrossier en ligne. Et il y a du nouveau, Hervé Pouchol. Oui, monsieur Cadas qui est sur la route, sur la Nationale 10. Bien vous sûr. Pensez bien qu'on ne peut pas se garer facilement, surtout sur cette Nationale. Mais il a quand même eu la gentillesse de faire le point avec ses ateliers. Actuellement, la bonne nouvelle, c'est que le véhicule, au niveau carrosserie, il est terminé. Il manque à terminer la peinture, mais surtout, il manque deux pièces importantes que la concession devrait lui livrer. Il s'agit du volant, ça sert quand même. Ah bon ? Et ensuite, ah bah oui, peut-être. Les caches gicleurs sur la base avant du pare-choc, et il suffit que la concession lui envoie ces deux pièces. On envoie ça à BMW France, parce que c'est pas le discours qu'on a eu de BMW. Soit on appelle BMW France, soit on appelle de nouveau Paro Premium Limoges, pour qu'il trouve un volant très rapidement, puisque ainsi notre ami cessera de perdre du chiffre d'affaires. Je rappelle qu'il est taxi. Un taxi qui n'a pas de voiture ne travaille pas. Maintenant, il faudra aussi se poser la question, Jean-Jacques, avec votre assureur, vous vous êtes posé la question de l'assureur adverse qui peut vous indemniser? Alors, il existe soi-disant une procédure, mais il faut qu'il y ait tout un dossier à monter, et il faut que je puisse justifier d'une perte de au moins 6 500 €. Pourquoi au moins 6 500, Jean-Jacques? Bonjour, Eric de Pomont. C'est un accord entre assureurs. Oui, mais enfin, cet accord entre assureurs, il ne vous est pas opposable. Vous, vous ne l'avez pas signé. Moi, je ne suis pas assureur. Non, j'entends bien, mais justement. Ne l'engueulez pas, il n'y est pour rien. Non, non, mais au contraire, il veut vous défendre et il ne comprend pas qu'on puisse. Parce que là, ce que vient de dire Maître de Comont, c'est très important. Excusez-moi. C'est-à-dire que l'assureur de Jean-Jacques lui dirait, mais écoutez, s'il y en a pour 6 500, on pourra, sinon on passe des accords entre nous qui disent qu'on. Mais c'est pas votre problème, les accords qu'il passe entre nous. Et c'est effectivement, excusez-moi, Jean-Jacques, d'avoir été peut-être un peu brutal. Mais précisément, moi, je passe ma vie à être confronté à ce genre de situation où il y a les assureurs qui se passent des petits accords entre eux, qui se font des conventions comme ci, comme ça, et qui vous disent, ah ben, mon pauvre monsieur, moi, je peux rien faire parce que d'après les conventions qu'on a signées, là, j'ai pas le droit d'agir. Mais ça tombe bien. Vous n'êtes pas signataire de cette convention, donc vous avez le droit de faire respecter. Qui est l'assureur adverse, s'il vous plaît? Jean-Jacques, vous le savez ou pas? Je crois que c'est la MAF. Je constate, j'ai dû vous faire passer le constat. Bon, on va appeler votre assureur, si vous le voulez bien, mais je crois que c'est l'assureur qui répond toujours à nos appels. Donc on essaie d'avoir peut-être, monsieur le maire, puisque votre assureur, c'est AXA, vous. C'est cela, c'est bon, ça. Alors, on va essayer d'avoir monsieur le maire. Mais j'ai le nom de la compagnie adverse, le numéro de la, du contrat. Oui, oui, c'est la MAAF. Ah, ben alors, attends, avant, on va appeler la MAAF pour essayer d'en savoir plus. C'est un dossier très intéressant. Mais Jean-Jacques, vous avez entendu, il vous manque un volant. Vous en voulez vraiment un parce que ça pourrait aller très vite sans volant. Bon, si me mettent un guidon, je ferai avec. Ah, bah non. Voilà. Ils ont un guidon de 103 SP. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ces mobilettes Peugeot. Oui, oui. Ils peuvent un guidon torsadé. Est-ce que vous aviez le guidon torsadé, vous? Oui, oui, j'avais ça. Eh oui, bien sûr. Bon, on demande les deux pièces. Hervé, sur le coup, on appelle la MAAF hors antenne et vous me les passez. Écoutez, ça bouge de tous les côtés. Alors maintenant, il y en a une qui doit se dire, et mon four à pizza? Ils vont s'en occuper quand? Parce que hier, ils l'ont lancé. On ne l'a pas eu. Donc, ce que je propose pour Fabienne, dont nous allons réécouter le message dans une seconde, Bernard, c'est que vous preniez les devants sur les appels que l'on doit lancer, vous me les basculez à l'antenne. Voilà sans ce que problème. Fabienne nous a dit. Mon mari et moi-même sommes pizzaiolo. Nous sommes restés 21 jours sans pouvoir utiliser notre distributeur de pizza à cause d'un transporteur qui a endommagé notre matériel lors du déménagement de celui-ci. Ce déménagement nous a coûté 5 342 €. On a pizza ! C'est ce qu'elle veut pouvoir faire de nouveau. Remettre de la vie dans son restaurant. Avec un four à pizza qui marche. A tout de suite. Kitak, kitak. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, je sais pas, les enfants. J'ai pas fait de course et je suis KO. Je vous fais des pâtes. Oh non, on a déjà mangé hier soir. Fatigué des courses après le boulot? À court d'idées pour cuisiner? Simplifiez-vous la vie. Rendez-vous sur kitok.fr. Kitok imagine pour vous des recettes savoureuses et variées. Des repas à cuisiner avec de bons produits frais et de saison, livrés chez vous partout en France, gratuitement. 30% offert sur votre première commande avec le code RADIO. Valable jusqu'au 31 décembre. Kitok, kitok. Kitok.fr. La recette pour cuisiner sans faire la course. L'été, les projets fleurissent. Et chez Castorama, on va vous aider à les faire grandir. Voilà pourquoi on vous facilite la vie en vous proposant la livraison gratuite. Oui, la livraison gratuite sur tous les produits jardin, construction et menuiserie. Eh oui, la livraison est offerte chez Castorama. Mais attention, ce n'est que du 22 au 24 juin. Alors vive l'été et en avant les projets! Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable du 22 au 24 juin, voire conditions en magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Depuis 220 ans, l'anis Duval met du soleil dans votre... Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, je perçois les glaçons. L'anis sent bon, les olives sont sorties. Et dans les verres, devinez qui se mélange. C'est le pastis. Un Duval est l'eau fraîche. Pastis Duval. Duval, 220 ans d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 50% d'économie sur plein de produits, comme par exemple sur la bouteille de pastis 51 de Marseille. Génial! Et en plus, il est garanti meilleur promo. Résultat des courses, un été sous le signe des économies. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec 50% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur de nombreux produits de grandes marques. Carrefour. 70 centilitres, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Détails, produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Du nouveau, Hervé, encore une fois sur ce dossier du taxi dont la voiture a été cassée lors d'un accident grave apparemment. Vous avez de nouveau eu la concession. On sait que le carrossier a la voiture depuis très longtemps, qu'il a fini, il n'y a plus qu'un coup de peinture à mettre. Donc ça, ça pourrait aller vite avec le séchage, ça nous fera quelques jours. Mais il manque deux pièces, le volant et les cages gicleurs. Et qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Eh bien écoutez, le volant a été envoyé chez le carrossier hier et les cages gicleurs, ils ont été récupérés ce matin. Voilà, alors ceci étant dit, vous voyez qu'il y a quand même deux écoles, deux salles, deux ambiances, comme en Macumba. C'est-à-dire que d'un côté, on nous a dit tout à l'heure, mais on ne comprend pas pourquoi ce carrossier n'avance pas. Il ne peut pas avancer s'il n'y a pas de volant. Or, le volant a été envoyé hier. Oui, donc, c'est M. Pastorelli qui vient confirmer. Eh oui, donc il pouvait toujours, on peut toujours montrer du doigt le carrossier et dire on travaille avec ce monsieur, mais il travaille lentement. Mais là, la vérité n'est pas forcément celle que l'on pouvait croire, Maître Fellanin. Oui, exactement. En tout cas, aujourd'hui, c'est une grande avancée. Je pense que Jean-Jacques est rassuré de savoir que son véhicule va être bientôt, bientôt disponible. Bon, j'espère, Jean-Jacques, que là, voilà, les pièces arrivent, elles sont parties hier. Maintenant, reste votre indemnité. Ça, je tiens absolument à ce qu'on avance là-dessus. Donc, vous essayez de m'avoir la MAAF, s'il vous plaît, Céline. Une chanson sur votre drôle de vie, Maître de Caumont. Non, là, là. Véronique Sanson, oui, parce que vous avez quand même une vie assez particulière. Elle a écrit. Bon. Voici maintenant la vie de Maître de Caumont. Merci, Julien. Tu m'as dit que j'étais faite vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même. Véronique Sanson et c'est sur RTL. Les plus grands standards sont là. Il est 10h34. Revenons maintenant sur cette histoire de four que vous résume avec ce phrasé qui a fait d'elle l'avocate préférée des Français, Maître Fellonneau. Oui, Fabienne a déménagé son fonds de commerce de pizza. Mais elle a pris avec elle son distributeur automatique de pizza. Pour faire ce déménagement, elle a demandé au fabricant de ce four, qui a également fait l'entretien, d'organiser tout ce déplacement. Et effectivement, elle lui a payé 5 342 €, dont 1 120 € pour procéder au transport de cette machine. Alors qui est arrivé cassé. Pourquoi il y a un débat entre le transporteur et le fabricant? Ah ben alors, ce qui se passe, c'est que c'est le fabricant qui a fait transporter. C'est sous sa responsabilité, c'est lui qui a choisi le déménageur, c'est lui qui l'a facturé à Fabienne. Et donc, ce qu'il voudrait faire, c'est faire un recours directement auprès du transporteur qui est le responsable physique, si vous voulez, et avant de régler Fabienne, ce qui n'est pas normal. Où en est-on, s'il vous plaît, Céline, dans les différents appels, puisque hier, on a eu Géodis, Aromatique, on devait nous passer quelqu'un, je crois, mais nous n'avions pas Bernard réussi à l'avoir. Oui, vous m'avez demandé hors antenne de commencer à lancer les appels, Julien. Oui. J'ai appelé le fabricant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'appelle le fabricant, super accueil. Donc de Happy Tech. Bon, j'ai un monsieur qui me dit, je vais vous passer le responsable. Il pose son combiné et quelqu'un lui parle et lui dit, raccroche, je dis que je suis pas là. Et ils viennent de raccrocher. Donc on peut les rappeler en direct si vous voulez, mais ils ne répondent plus pour l'instant. C'est magnifique. On l'a eu une fois, Fabienne, j'avais appelé un notaire, je me rappelle. Et l'assistante, dès que je me présente et que je dis bonjour, c'est Julien Courbet, mets le haut-parleur. Donc nous, on entend tout de suite quand un haut-parleur est branché. Et je lui dis, est-ce que maître machin est là? Et là, on entend tel quel. Hein. Non, je ne suis pas là. Et c'était pas une voix de femme, c'était une voix d'homme. Et là, elle nous fait, non, il n'est pas là. Ça fait partie des bons souvenirs de l'émission. On peut partir en direct, hein, Julien. Ah, puis tac. Poustanana, et mon café. Oh, Happy Tech, Poustanana. Oui, bonjour Happy Tech, Julien Courbet à l'appareil. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Serait-il possible d'avoir un responsable, s'il vous plaît, peut-être Monsieur Deprin? Alors, Monsieur Deprin n'est pas disponible. Ah, très bien. Alors, quelqu'un d'autre, si vous voulez bien. Je n'ai que Monsieur Deprin en tant que responsable de la société. Alors, dites à Monsieur Deprin, est-ce que vous pouvez lui envoyer un petit texto? Il ne doit pas être trop loin, en lui disant qu'on est en direct sur RTL, parce que sinon je vais refaire l'émission demain, on ne va pas la faire tous les jours, que c'est un petit problème de rien à régler. Bien sûr. Eh bien, écoutez, je lui ai fait part, mais aujourd'hui, ça va être compliqué de l'avoir. Il est en rendez-vous. Je vais lui faire part toute la journée. Si vous vous rappelez demain, je peux. Dites-moi la vérité, madame. Il est là, mais il ne peut pas nous parler. Non, il est en rendez-vous. Le directeur, il a des rendez-vous, monsieur Courrier. Il n'y a pas de souci, non, parce qu'on a appelé il y a quelques instants et on a entendu une voix derrière qui a fait « je ne suis pas là ». Alors. Ah, d'accord. Ah oui, bah, c'est écoutez, pour ça. Mais ça peut arriver. Moi, j'ai dormi. Bon, alors, si monsieur Deprin vous lui laissez un petit message, il nous reste 20 minutes d'émission, sinon on le rappellera demain en direct. D'Apitec concernant une petite histoire qu'il faudrait régler assez rapidement. Merci beaucoup, madame. D'accord, on vous laisse les coordonnées. Apitec, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est à Pompée, P-O-M-P-E-Y, dans le 54. Hervé Pouchol. Une alerte concernant Jean-Jacques. L'inverse, parce qu'il fait la météo maintenant. C'est magnifique. Il vous donne le temps pendant les cas. Allez-y. Alors, une inverse, de quel côté? Du côté de Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est notre chauffeur de taxi préféré qui pleure après son véhicule accidenté et bloqué chez un garagiste depuis plusieurs mois. Alors, il lui faut quoi? Un parapluie? Oui, notre carrossier, il avait pu se garer sur une aire de repos. Il a des précisions parce que par rapport à ce que j'ai annoncé, de ce que m'a dit M. Pastorelli, c'est pas tout à fait juste. Oh là là là là, quel dossier! Mais vous vous rendez compte, c'est là l'intérêt de l'émission, c'est qu'entre ce qu'on dit au client et la réalité, il y a un fossé. Donc, monsieur le carrossier, de Cavas, bonjour et merci d'être avec nous. Je vais vous résumer en 20 secondes ce qu'on nous a dit et vous allez nous donner votre version des faits. Vous êtes d'accord? Absolument. Alors, nous avons appelé Paro Premium Limoges qui nous a dit par la voix de son patron: j'ai sous-traité la carrosserie car je ne faisais pas à l'époque de carrosserie à un carrossier, c'est-à-dire vous. Le problème, c'est que ce monsieur, je ne cesse de le relancer et il ne me donne pas de nouvelles et je ne comprends pas ce qui se passe. Il ne répare pas la voiture. Je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on c'est a entendu. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Ensuite, Hervé a appelé BMW France. Eux lui ont dit: attention, cette voiture a été très accidentée. Il faut maintenant attendre le passage d'un expert, etc. 25 000 euros de réparation. Voilà. Ensuite, effectué. Nous avons eu de nouveau Paro Premium Limoges par le biais du chef d'atelier, M. Pastorelli. Absolument. Qui lui a dit: bon, mais attends, en fait, il manque deux pièces. Il manquait le volant et un anti-gicleur, je ne sais trop quoi, mais ils sont partis hier. Oui. Hier, le volant, et ce matin, ils auraient récupéré les gicleurs. Voilà. Alors maintenant, on essaie de savoir ce qui se passe. Pourquoi cette voiture est depuis aussi longtemps chez vous, monsieur? Quelle est votre version, s'il vous plaît? Alors, dans un premier temps, le véhicule a été expertisé à la concession BMW de Limoges, d'accord? Oui. Donc, logiquement, un diagnostic précis, un examen précis en présence de l'expert aurait dû être fait, d'accord? D'accord. On a récupéré ce véhicule. Quand il s'agit de gros chocs, il y a toujours, de toute façon, du délai. Parce que, comme il y a une restructuration à faire au niveau du véhicule, c'est pas un choc classique, c'est-à-dire qu'en une semaine, le véhicule est réparé. Le véhicule a un gros choc, donc il y a un délai d'attente parce que sur la base de restructuration, ben, on a déjà des voitures qui sont déjà dessus, donc il y a déjà un planning qui est établi, donc c'est chacun son tour, d'accord? Ensuite, le véhicule, c'est pour ça qu'on avait quand même, on a une grosse charge de travail, donc ben, c'est chacun son tour. Ensuite, les pièces ont été commandées, on a effectué donc le travail. La seule chose, c'est que sur ce type de choc, il y a un suivi avec un expert parce que c'est une procédure, ce qu'on appelle... procédure VE, et la carte grise est gelée, donc il y a un suivi d'expertise. L'expert, ensuite, nous, on ne peut intervenir que quand il y a d'autres pièces, d'autres éléments, avec le suivi d'expert qui a été fait. Maintenant, le véhicule, il est terminé, il est peint, le véhicule. La seule chose, c'est qu'il nous manque des pièces. Ces pièces, à chaque fois, ce ne sont pas les bonnes pièces qu'on reçoit. Donc, c'est facile de dire qu'on a reçu les pièces, mais si elles ne sont pas bonnes, nous, on ne peut pas terminer. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque comme pièces, monsieur? Et à aucun moment, parce que je pense qu'on a dû, vous avez dû l'évoquer, à aucun moment, on ne fait passer nos véhicules en priorité. On travaille pour plusieurs concessions. On n'a jamais fait passer nos véhicules en priorité. La preuve, cette semaine, on a traité plus de 6 véhicules en sous-traitance direct dans la semaine pour des ateliers. Qu'est-ce qui vous manque comme pièces, monsieur? Il nous manque les deux caches qui sont situées sur le pare-choc avant qui concernent les gicleurs de la phare. Donc, c'est deux caches qui sont à peindre, d'accord? Donc ça, on a reçu ce matin, effectivement, mais ce ne sont pas les bons. Et le volant qu'on a reçu de nouveau, ce n'est pas le bon volant. Allez, donc, on rappelle, donc, s'il vous plaît, maintenant, la concession part au premier Limoges, parce que c'est pas très sérieux. Eh ben, BMW doit tout mettre en œuvre pour qu'on ait les bonnes pièces. Ouais, on va appeler tout le monde. Allez, on appelle tout le monde, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je vous repasse Hervé Pouchol. Merci de votre gentillesse. Vous avez mis, comme on dit chez moi, l'église au milieu du village. Maintenant, je veux avoir des nouvelles de la pizza dans une seconde. Fin d'émission qui part dans tous les sens. Ce qui veut veut dire que si vous l'écoutez, et si vous avez un petit souci, quel qu'il soit, il n'y a pas de petits, de gros soucis, il y a vos soucis au quotidien. Et notre boulot sur RTL, c'est de faire en sorte que nos auditeurs soient contents et qu'on puisse régler leurs problèmes pour éviter d'aller au procès. Il vous suffit de faire le 3210, je vous attends, le Facebook, la page, ça peut vous arriver. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. On en parle. Darty propose des solutions de livraison pour répondre à tous les besoins de ses clients. Combien ça coûte? Peut-on choisir le moment de la livraison? Les réponses du responsable du service de livraison Darty dans un instant. On en parle. Intermarché vous propose d'écouter 7,90€. Alors chérie, pour faire des brochettes, il faut mettre viande, poivron. Ah non, moi je préfère poivron, viande, poivron. Mais pas du tout, c'est beaucoup mieux, viande, poivron. Dès aujourd'hui, la viande de bœuf à brochette Jean Rosé Origine France est à seulement 7,90€. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, pièce à brochette. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Chérie, j'ai une grande nouvelle, on change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Non mais doucement chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. En ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes toujours sur le taxi parce que là vraiment, est-ce que vous vous rendez compte quand même, et je le redis, ce n'est pas normal que ce soit aussi compliqué, que l'on dise au client, monsieur, c'est pas ma faute, c'est la faute du carrossier, qui s'est expliqué sur l'antenne d'RTL, il reçoit des pièces, ce ne sont pas les bonnes, il ne peut pas réparer, donc qu'on lui envoie les bonnes pièces, que le magasinier, alors peut-être qu'on va avoir BM tout à l'heure, qui va nous dire, mais c'est les bonnes pièces, mais c'est pas les montées, c'est un sac de nœuds, qu'on en finisse avec cette histoire. En ce qui concerne le pizzaiolo, donc, je rappelle qu'il y a un constructeur de four à pizza Maître Filono qui s'est occupé du déplacement. Oui. Il a lui-même choisi un déménageur. Exactement. Je lis la facture. Désinstallation de la machine par une entreprise spécialisée. Livraison et installation sur le nouvel emplacement par une entreprise spécialisée. Coût 1 120 €. Et après, il déplace son équipe technique pour de nouveau faire en sorte que cette machine soit révisée et en état de marche. Il y en a pour 5 000 et quelques. C'est le seul interlocuteur de Fabienne. Il n'y en a pas d'autre. Alors, nous allons, et vous l'avez déjà vu et entendu, nous avons appelé Apitech qui se trouve à Pompée. Rue Léonard de Vinci, c'est monsieur Frédéric Deprun, le directeur général, que nous devons avoir. Donc, des textos ont été lancés, je suppose, par l'assistante. Sinon, on y revient demain, on y revient lundi, on y revient mardi, mais il faut qu'Apitech nous explique pourquoi il laisse ce client dans cette situation et pourquoi il renvoie la balle sur le déménageur. Elle ne le connaît pas, le déménageur. Que Apitech se débrouille avec son déménageur. Exactement. Qu'il la signe s'il, parce que tout le monde est d'accord pour dire que le four a été cassé, mais celui qui a pris le contrat Apitech dit non, voyez avec Géodis. D'ailleurs, j'aimerais bien quand même avoir leur avis. À Géodis. Bon, on va les appeler. Vous vouliez dire Bernard? Je voulais juste vous dire que j'ai laissé un message sur le répondeur personnel du DG Frédéric Deprin, donc j'attends qu'il nous rappelle. Il est prioritaire, c'est le patron d'Apitech. Bon, s'il ne peut pas ce matin, c'est pas grave, on remet ça à l'ordre du jour. Bonjour, Géodis Aromatique, Coralie à votre écoute. Oui, bonjour madame, Géodis Aromatique, Julien Courbet à l'appareil, c'est l'antenne bonjour. D'RTL, je vous appelais hier en direct pour avoir éventuellement monsieur Boulot ou un responsable. Est-ce que vous avez pu, hier vous ne pouviez pas, est-ce que vous pouvez aujourd'hui? Alors tout à fait, ne quittez pas, je vais vous passer la responsable. Génial, merci beaucoup mademoiselle, madame. Bonne journée, donc elle va arriver dans une seconde. Chez vos clients. Le temps qu'elle arrive, vous vous mettez en sourdine, vous récupérez, je fais l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. D'après nos amis de La Voix du Nord, dont je rappelle que... La Voix du Nord a dans les yeux le soleil qui n'en pointe les yeux. Ils nous racontent une société de revente de véhicules haut de gamme, basée à Cambrin, dans le Pas-de-Calais. C'est joué de 48 personnes en 2014. Cette entreprise, tenue par un résident belge, a pâté ses victimes sur Internet avec de belles annonces. Elle encaissait 10% d'acompte sur chaque commande. Le problème, c'est que les véhicules achetés n'étaient jamais livrés. Après avoir subitement disparu, le gérant a fini par être arrêté. Les enquêteurs ont découvert qu'il utilisait plusieurs identités. Il transférait tout l'argent sur son compte, 200 000 euros au total. Il vient d'écoper de 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, une mise à l'épreuve et l'obligation d'indemniser les victimes. Alors, Maître de Caumont, on peut faire des affaires sur Internet. Personnellement, moi, j'y vais pas parce que j'ai un petit peu peur. Je préfère voir la voiture, je préfère voir la concession, je préfère voir le garagiste, je préfère voir une petite enseigne, même un petit garagiste de quartier ou un vendeur de voitures d'occasion. Mais il est là, il me montre la carte grise. Parce que dans tous ces sites gratuits et tout, il y a des tas d'annonces avec des tas d'affaires, on ne voit rien. Et certains traversent la France pour se faire plumer. Ben Julien, je crois que vous avez tout dit, c'est la prudence même. Et c'est vrai que depuis l'éclosion des réseaux sociaux, des sites sur Internet, le métier d'avocat est devenu encore plus compliqué parce que beaucoup de gens perdent, j'allais dire, la défiance la plus élémentaire, la prudence la plus élémentaire lorsqu'ils voient de bonnes affaires sur Internet et puis que très facilement, ils acceptent de payer des acomptes et puis voilà comment ça se donner termine. Un acompte, pourquoi pas, si j'ai vu la carte grise. Oui, la voiture. Et la voiture. Vous avez vu si le magasin a pignon sur rue. C'était bien avant l'invention d'Internet qu'on utilisait ce terme-là. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Ils vous disent, vous voulez, je dis n'importe quoi, une voiture, machin. J'en ai une en Allemagne. Donnez-moi 10%, je vais vous la réserver. La voiture, vous ne la voyez pas. Vous ne savez pas s'il doit de l'argent à l'Allemand qui va lui dire, je te donnerai jamais la carte grise tant que tu ne me l'auras pas payée. Vous prenez des risques. Alors si c'est pour un modèle unique qui n'existe qu'à 10 exemplaires, etc., et que vous avez des gros moyens... Prenez le risque, si c'est pour acheter une voiture de base, allez chez un concessionnaire ou un vendeur de voitures d'occasion devant lequel vous passez tous les jours. Au moins, lui, vous pourrez aller tous les jours taper à sa porte en lui disant « Coco, je veux ma voiture ». Absolument. Et Internet, après, c'est fini, ils sont dans la nature. Une alerte ! Oui, le cas de Fabienne, Pizzaiolo. Ah. J'ai un contact intéressant, Julien. C'est vrai, lequel ? Le téléphone de Géodis a un numéro spécial. Elle s'appelle Madame Dufour, ça devrait nous aider. Pour le four à pizza, nous aurons Madame Dufour dans quelques instants. Et pour le cas du taxi, nous aurons Françoise Taxi, qui également pourra peut-être nous aider. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Hey boy, j'arrive, Lucette. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur filorga.com. Décathlon, c'est aussi la joie du surf, de la recherche de la vague, d'être à l'eau entre amis, du spot parfait, du soleil sur la peau, de cette sensation de liberté, de glisse, du geste... Oui, oui, on a compris. Et cet été, c'est aussi la joie d'un board short surf Olayan, modèle 100, disponible en 16 coloris, à seulement 8 euros chez Décathlon. Supermarché Casino. Rafraîchissez votre été dans votre supermarché Casino. Jusqu'à dimanche, profitez des heures Happy Hours et de 50% de remise en bon d'achat des deux produits achetés sur les bières et les glaces. Casino, goûtez-moi cette journée. Offre 50% valable du 21 au 24 juin de 10h à midi et à partir de 17h. Hors produit en promo, 1 plus 1 gratuit, 2 plus 2 gratuits avec la carte, 50% sur un produit et offre coupon Casino, c'est max. Bon d'achat valable du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet. Hors Corse. Retrouvez la liste des magasins participants sur supercasino.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour votre santé, bougez plus. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Ma cuisine, je la veux comme je l'imagine moi. Je veux pas faire de concessions sur quoi que ce soit. On vous répond... Pas la peine de vous priver. Jusqu'à ce dimanche 24 juin, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau tous les 100 euros d'achat sur tout l'univers cuisine. Comme ça, pas de concession à faire. Le roi Merlin. Et vos projets vont plus loin. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a quelques instants, il y avait une alerte de Bernard concernant ce four à pizza qui a été déménagé. C'est le constructeur qui s'en est occupé, Apitec. Mais Apitec a sous-traité à Géodis Aromatique. Et maintenant, les deux se renvoient la balle car il y aurait eu de la casse. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard ? Qu'aviez-vous à nous dire ? Alors, j'ai eu donc Madame Dufour qui ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne, Julien, mais qui m'a donné les éléments suivants. Premièrement, ils ont constaté cette anomalie de coût juste avant de poser ce four, ce distributeur de pizza dans le camion. Donc, ils l'ont signalé déjà à Pitec qu'il y avait eu cette anomalie. Mais par contre, comme ils sont très proches de Pitec, juste un prestataire. Bernard, je vous coupe. Vous dites faux, Fabienne ? Ils soutiennent que donc lors du déménagement donc dans la région centre, et ça avait été constaté les dommages. Alors ceci c'est étant ça, dit, Fabienne, c'est tout. Hein. Alors c'est très clair. Nous allons leur demander si ça a été constaté. Oui. Je suppose qu'ils vous l'ont fait signer parce que c'est un état des lieux que l'on fait. C'est trop facile de dire et c'était cassé sans avoir. On est d'accord, maître Félon. Ça fait l'objet de réserves contradictoires. Exactement. Et c'est au transporteur de se ménager la preuve que les coûts étaient antérieurs à sa prise en charge, puisque finalement c'est lui maintenant qui en est. C'est pour ça que quand on loue une voiture, quand on loue un appartement, on fait des états des lieux. Donc deuxième point important, ils ont ouvert un dossier de sinistre, une déclaration de sinistre auprès de leur assurance. Là, je parle bien de Géodis. Ça, c'est le deuxième point, Julien. Et ils ont déjà fait un avoir à Pitec de 400 euros qui pourrait déjà revenir donc à la cliente. Donc il y a une forme de reconnaissance logique par rapport à cela. Donc je pense que c'est en cours et ça va bien avancer donc maintenant. Nous demandons s'il vous plaît à Apitec de bien vouloir nous prouver si c'est le cas et de nous montrer la feuille signée par Fabienne comme quoi le four était cassé au départ. Si c'est le cas, vous nous le montrez, le dossier s'arrête immédiatement. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelqu'un l'a cassé, que ce soit Apitec ou Géodis, ce n'est pas le problème de Fabienne. Il faut que maintenant on l'indemnise parce qu'elle a fait confiance, sinon on fera plus confiance, elle ne fera plus confiance à cette marque. Allez, très rapidement, maître Félon. Oui, d'ailleurs, quand la machine a été ouverte, elle a été déclarée inutilisable en l'état et elle est repartie directement à l'usine. Oui. Donc ça a été vraiment un transport, à mon avis, assez branlant. Bon, très bien. S'il vous plaît, faites quand même attention. Je sais bien que le week-end arrive, mais je vais vous demander d'essayer de garder votre concentration jusqu'à vendredi. Et parce que je sais qu'elle a une soirée disco qui arrive. Ah, vous la verriez sur la piste. Avec ses grands bras, la piste. Distribuer des gifles sans le vouloir à tous ceux qui sont autour, ce qui fait qu'elle les écarte. Oui. C'est un répulsif. Mythic Imagination, vous avez rencontré d'ailleurs Maître Felonneau il y a très longtemps, le chanteur qui vous avait été présenté par Hervé Pouchol, qui animait une tournée qui s'est arrêtée à Soulac, et il vous avait présenté le chanteur. Ah ouais? Mais moi, je n'ai vu que Hervé, parce que je suis fan. Bien sûr. Rappelons quand même que c'est la fête de la musique ce soir, donc les musiciens, éclatez-vous. Chacun va pouvoir aller s'amuser un petit peu. Vous-même, je sais, Maître de Caumont en famille, avec sa femme, chacun son petit instrument. Là, il va se mettre devant son cabinet, chanter des grands standards comme... C'est la seule chanson que les deux Caumont connaissent. Et ils la joueront ce soir. C'est la fête de la musique. Est-ce qu'on a le temps de faire le point info très rapidement? Je vais le faire très rapidement. Donc le taxi, où en est-on s'il vous plaît, Hervé? Est-ce que vous avez eu de nouveaux BMW? Sinon on les rappelle demain. Bah, j'ai appelé le directeur, il n'était pas très très content. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont trompés de pièce. Ils ne le savaient pas. D'accord. Donc là forcément il a convoqué le chef d'atelier qui a dû passer un mauvais super. Quart d'heure. Non, pas super pour le mauvais quart d'heure, super qu'il relance les bonnes ils pièces. Ils ont commandé les bonnes pièces. J'ai eu également le carrossier, il est ravi et le travail va être effectué. Le four à pizza, on y revient demain. Je vous le demande s'il vous plaît sur l'antenne. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô? Allô? Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais... Mais quoi encore? Ah, c'est Lidl. Demain et après-demain, ils font le filet de 3 avocats à 99 centimes. 99 centimes, le filet de 3 avocats chez Lidl? Mais c'est pas vrai. Mais tu mens. Bah, la vérité, si je mens, hein, ça fait 33 centimes l'avocat. Tu sais quoi? L'avocat à ce prix-là, il n'y a plus de justice. Alors là, j'avoue, hein, le verdict est sans appel, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Afrique du Sud, Pérou, Kenya. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. Et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVI MCD Santé Vitalité. La complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur EOVI-MCD.fr. Ah, se ressourcer au village. VVF Village. Ici, les clubs sont gratuits pour les enfants, même grands, jusqu'à 17 ans. Cet été, une semaine de vacances pour 4 dans le VVF Village Montchavin à La Plagne, c'est seulement 499€. 499€ pour une semaine au grand air? À ce prix-là, on s'y retrouve. Réservez dès aujourd'hui sur vvfvillage.fr. vvfvillage.fr. Au village. Tarif sous réserve de disponibilité pour 4 personnes en location du 25 août au 1er septembre. VVF Village est une association loi 1901. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Merci à toutes les équipes, les négociateurs, les avocats. Merci Maître de Caumont pour cette participation exceptionnelle. Vous reviendrez quand vous le voulez. C'est gentil. Et nous allons nous retrouver demain en direct, bien sûr. Vous dire que 17h, on sera tous derrière RTL à supporter les Bleus. Il faut battre le